Je vais sortir d'un tunnel pendant la traversée duquel l'allumage des feux est obligatoire. Je ne dois pas éteindre les feux de croisement avant d'être sorti du tunnel pour au moins trois bonnes raisons. 1. Je vais être ébloui par la lumière du jour et feu éteint, ma voiture sera moins visible pour les usagers qui suivent. 2. Les intervalles de sécurité sont généralement moins respectés quand on approche de la sortie et que la lumière du jour apparaît. 3. Le panneau qui met fin à l'obligation d'allumer les feux est situé hors du tunnel et se présente soit sous la forme d'un panneau d'obligation, soit sous celle d'un panneau d'indication. Je n'éteins pas mes feux pour le moment. Réponse B.